et l'autre en faisant comme si tout était un miracle. On va maintenant se concentrer sur 12 affirmations pour faire en sorte que tu vois tout aujourd'hui comme un miracle. Imprègne-toi des mots de chaque affirmation, mais reste concentré sur ta respiration. Première affirmation. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux toujours faire de mon mieux ici et maintenant. Deuxième affirmation. Le bonheur est toujours ici et maintenant. Troisième affirmation. Je me sers de la parole uniquement pour faire le bien et dire du bien. Quatrième affirmation. Je pense à ceux qui ont moins pour me rappeler la chance que j'ai. Cinquième affirmation, l'écoute active, parsemée de questions sincères, est le plus beau cadeau que je peux faire à mon entourage. Sixième affirmation. Ma réalité devient magique quand je confronte mes peurs et que je fais confiance à la vie. Septième affirmation. La perfection est une illusion mentale. À la place, je recherche ce qui est simplement bien. Huitième affirmation. Je ne fais qu'une seule chose à la fois. Neuvième affirmation. La patience et la confiance sont des muscles que je renforce en me concentrant sur ma respiration. 10e affirmation. Je suis génial et chaque jour je m'aime un peu plus. Onzième affirmation. La négativité est une forme de souffrance et j'y réponds avec compassion. Douzième et dernière affirmation, j'ai confiance en la vie et je relâche la peur de manquer. Avant de terminer la méditation, encore une fois, essaye de ressentir ton humeur du moment, comme si tu inspectais tes émotions de l'extérieur. Et quand tu seras prêt, tu pourras progressivement sortir de la méditation et doucement prendre conscience de tout ce qui t'entoure, tel que le poids de tes vêtements sur ton corps, les bruits ambiants, et bien sûr toutes les couleurs autour de toi. Essaye de garder ce sentiment de tranquillité que tu as ressenti pendant la méditation tout au long de la journée. J'espère que cette méditation t'a été agréable et je te souhaite une excellente journée. À bientôt.